Est-ce que maman, il y a solo un dimina tika mwambe? Kotika mwambe te Jean Bokelo. Pona nini ba peuple balingina tika mwambe te? Et la série continue. Mama, Poina Ziki Sinzungu and Zambio, Pona